بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فقبل الصيام وقبل أي عبادة من العبادات، يقول أهل العلم أن على الإنسان أمرين مهمين: والأول تصحيح عقيدته في الله عز وجل، ثانيا أن يكون صيامه وأي عبادة أخرى بنية العبودية لله رب العالمين. Donc, dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate Al-Baqarah, Sourate la Vache, verset 183, il est dit: « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous allez atteindre taqwa. » Les savants, rahimahoullahu ta'ala, disent: avant le jeûne et avant toute autre adoration, il est obligatoire à l'être humain deux choses. La première, l'authentification de sa aqida. La deuxième, le jeûne doit être accompli avec l'intention de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala comme n'importe quel acte d'adoration. وَهَذَانِ أَمْرَانِ فِي غَايَةِ الْأَهَمِّيَةِ كَثِيرٌ مِنَ الَّذِينَ يَصُومُونَ لَوْ سَأَلْتَهُ أَيْنَ اللَّهِ لوجدته لا يعرف. فيا عبد الله إنك تصوم لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء أثبتها لنفسه، ووصف إنك تصوم لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات وصف بها نفسه ووصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد لك من الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc ce sont les deux points qu'ont cités les savants, ce sont deux points très importants. Certaines personnes jeûnent, et si tu les interroges où il est Allah, tu te rends compte qu'il ne sait pas répondre. Où soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu jeûnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et il a des attributs. Subhanahu wa ta'ala, il s'est confirmé des noms et des attributs. Ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé des noms et des attributs, qu'il est obligatoire de croire et de croire en Allah et de lui confirmer ses attributs subhanahu wa ta'ala. Comme il s'y est à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala, conformément à la règle dictée dans la traduction approximative du verset dans Sourate la consultation: il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui le Dion et le clairvoyant. فبالله عليك إذا سئل الإنسان أين الله ولا يدري الإجابة، فالبعض يحتار في الإجابة، وبعضهم يقول الله في كل مكان، وآخرون يقولون الله في قلب المؤمن. فما معنى المكان؟ إن الأماكن هي الهواء، هي العمود، هي الحائط، هي دورة المياه، هي الأشجار، هي الحيوانات، هي مربط الغنم، هي ومربط الإبل، هي الخنازير، هي الكنيسة، وأنت بنفسك يا عبد الله مكان، فهذه الأشياء هي التي تشغل الأماكن. دونك par Allah, quand on interroge quelqu'un où il est Allah, il ne sait pas quoi répondre. Certains hésitent, d'autres sont confus, d'autres te disent Allah est partout, d'autres Allah est dans le cœur des croyants. C'est quoi la signification de partout? Car partout, dans tous les endroits, désigne l'espace, la colonne, le mur, les toilettes, les arbres, les animaux, les tables des animaux, les porcs, les chiens, les êtres humains. Tout ceci fait partie des endroits. Ce sont là les choses qui occupent le partout et qui occupent l'endroit. فما معنى إن ربك الذي تعبده في كل مكان أمختلط عز وجل بالخنازير والكلاب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أهو سبحانه وتعالى مختلط بك حال بك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أهو متحد سبحانه وتعالى بالعمود وبالهواء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فقبل الصيام هؤلاء يجب أن يصححوا معتقدهم في الله وهؤلاء إن تكلموا بفطرتهم أجابوا الإجابة الصحيحة فاسمع لأحدهم إذا ظلم فلا يقول إن الله في كل مكان فتسمعوا يقول إني قد ظلمت وربي يعلم أني مظلوم وتراه يشير إلى السماء بدون شعور Signifie donc que le souverain que tu adores est partout. Ton souverain est-il mélangé au porc, au chien? Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah est dans le pilier? Est-ce qu'Allah est dans les animaux? Il est dans le mur? A'oudhu billah. Avant le jeûne et avant tout acte d'adoration, ceux-là doivent corriger leurs croyances. En général, c'est cela, laisse s'exprimer la nature innée sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, il donnerait la bonne réponse. Écoute quelqu'un qui a subi un préjudice, tu l'entends dire, j'ai subi un préjudice, et Allah sait que j'ai subi un préjudice, et il regarde vers le ciel sans réfléchir. Même les gens du livre, avec leur croyance de l'immanence de Isa, de l'immanence d'Allah dans Isa, lève les yeux vers le ciel et tu les entends dire, toi qui es dans les cieux. Wa idha sa'altahu ayna Allah tarahu yanduru hawla ya akhi ajib bi fitratik fa Allah azza wa jal laysa halan bi makhluqatihi wa huwa muta'alin 'an al-makan wa muta'alin 'an az-zaman wal 'arshu الذي لا نعرفه إلا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم يعتبر من مخلوقات الله وهو من الأماكن فالله سبحانه وتعالى فوق المكان والزمان والله فوق العرش ليس متحدا بمخلوقاته وهو معهم بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته وحفظه ونصرته وتأييده قال عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فهاتين الجملتين أسمع وأرى تفسير للمعية المذكورة في قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فهو سبحانه وتعالى من فوق العرش الذي فوق السماوات السبع وفوق الكرسي يسمع C'est bizarre, quand tu interroges quelqu'un où il est Allah, tu le vois regarder autour de lui, ô soumis Allah, réponds avec ta fitra, avec la nature innée en toi. Allah n'est pas établi dans les personnes, ou dans les endroits, ni dans les choses. Allah est au-dessus des endroits et au-dessus du temps et au-dessus du trône. Le trône qu'on connaît qu'à partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de notre messager sallallahu alayhi wa sallam est une créature d'Allah. Et il fait partie des endroits. Et Allah est au-dessus du temps et des endroits. Allah est au-dessus de son trône et il n'est pas établi dans ses créatures. Abadan, wal'iyadan billah. Allah est avec ses créatures de façon générale. Cela signifie, il sait tous deux, il entend tous deux, il voit tous deux, il les cerne, tout en étant élevé au-dessus des sept cieux et au-dessus du sept trône qui est au-dessus des sept cieux. Et il est avec les croyants. Il accompagne les croyants d'un accompagnement spécifique en les protégeant, en les faisant triompher, en leur facilitant le bien, etc. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, le verset 46, dans Surat Taha, il a dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Ces deux phrases, j'entends et je vois, expliquent l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux phrases qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressées à Moussa et à Haroun expliquent l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, qui est au-dessus des sept cieux, et au-dessus du kursi. Le kursi qu'on peut traduire par le piédestal. Et subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il voit tout, et rien ne lui échappe. Et il cerne tout, subhanahu wa ta'ala. فالذين يقولون إن الله في كل مكان لولا جهلهم لكفرهم أهل العلم بهذه المقولة لأن هذه المقولة وهذه القولة هي عقيدة فرقة منحرفة ضالة عن الإسلام معروفة بالحلولية. Donc ceux qui disent qu'Allah est partout, si ce n'est pas leur ignorance, les savants décréteraient leur mécréance. Car cette parole est l'aqida d'une tendance égarée, connue sous le nom de l'Hulouliya. L'Hulouliya, qui se traduit par le panthéisme. Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Allah s'établit dans toutes choses et dans toutes les créatures. Cette conception est appelée l'émanence. Fa l'Hulouliya, yu'minuna fi'lan bi'anna rabbahum fi kulli makan. قال قائلهم وإمامهم في هذا الضلال وهو الحلاج قبل أن يقتل ما في الجبة إلا الله وهو يعرف لازم قوله بخلاف كثير من جهلة المسلمين الذين لا يعرفون أن قولهم الله في كل مكان يعني أن الله حال في خلقه. Les adeptes du panthéisme croient réellement que leur souverain s'établit partout. Leur imam dans cet égarement qui est le Hallaj, au moment d'être dirigé, au moment où on le dirige vers le fait de subir la sentence de la mort à cause de cette mécréance, il a dit, en tirant cette djellaba en avant, il n'y a dans la djellaba qu'Allah, en montrant cette djellaba. Le Hallaj, c'est très bien. Le Hallaj, c'est très bien ce que sa parole signifie. Contrairement à beaucoup d'ignorants musulmans qui ne savent pas que la parole Allah est partout signifie qu'Allah s'établit dans toutes choses et dans toutes ses créatures. Falhululi, qu'Abnu Arabi, wal Hallaj, wa man kana ala shakilatihim, ya'rifuna jayidan anna ma'na qawlihim. إن الله في كل مكان يعني أن الله متحد مع مخلوقاته ويقرون بأن الله هو عين الخالق وهو عين المخلوق وتسمع أحدهم يقول أعوذ بالله مما يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة أعوذ بالله وآخر يقول وبئس ما قالوا العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف فهؤلاء كفار هؤلاء كفرهم العلماء لأنهم يعلمون ما يقولون ويعتقدون في الحلول وفي الاتحاد، أي يعتقدون أن الله يحل في المخلوقات، ويعتقدون أن الله متحد بمخلوقاته وأنه هو المخلوقات شيء واحد. لي بونتيست انفيتي غيكم بن عربي الحلاج et leurs similaires savent très bien le sens de leurs paroles. Le sens de leurs paroles qui disent Allah est partout. Pour eux, Allah et ses créatures, c'est une seule entité. Ils croient conformément qu'Allah, ils croient qu'Allah, c'est en même temps le créateur et la créature. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'établit dans ses créatures. C'est pour cela que l'un d'eux avait dit « Le chien, le porc ne sont que notre divinité. Et Allah, c'est le curé de son église. » Un autre a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. « Le serviteur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le serviteur. » Qui est obligé d'exécuter les ordres dans ces cas-là? Donc, cela... Les hommes de science disent que ce sont des mécréants clairs, car ils savent la signification de leur dire et croient en le panthéisme. والحلول عقيدة لا ترتبط بفرقة أو طائفة معينة، بل هي معتقد طوائف عدة وفرق كثيرة. أولها النصارى الذين قالوا بحلول اللاهوت أي الله في الناسوت أي عيسى بن مريم، ثم تبعهم الروافض الذين يقولون بحلول الذات الإلهية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وجاء بعدهم طوائف من المعتزلة والجهمية سلكوا مسلك حلول الذات الإلهية في من يشاء من البشر. Et donc, le panthéisme n'est pas une doctrine liée à une tendance spécifique. C'est la croyance de beaucoup de groupes. En premier lieu, c'est la croyance des chrétiens qui disent que l'Ahot, c'est-à-dire la divinité, c'est-à-dire Allah, hein, s'est établi dans Nasoud, c'est-à-dire l'être humain, qui est Isa. Rawafid akhzahum Allah ont suivi les chrétiens dans ce délire et dans cette voie. Car Rawafid disent que l'essence divine s'est établie dans Ali. Après, il y a eu certaines fractions de Mu'tazilites et certains jahmites qui ont pris la voie de l'établissement de l'essence divine dans ce qu'il veut parmi les humains. A'oudhu billah. Wa min alladhina ashtaharu bi madhhab al-hulul al-Hallaj Abu al-Mughit. Abu al-Mughit al-Hussein ibn Mansour wa kana min ard Faris min madinatin yuqalu laha al-Bayda wa kana fi bad'i amrihi mashghulan bi kalam as-Sufiyya. وكانت عبارته حينئذ من الجنس الذي تسميه الصوفية الشطح، وهو الذي يحتمل معنيين، أحدهما حسن المحمود والآخر قبيح مذموم، وكان يدعي أنواع العلوم على الخصوص والعموم، وافتتن به قوم من أهل بغداد وقوم من أهل طالقان وخراسان. Et parmi les pontistes célèbres, Abu al-Mughit, الحلاج الحسين بن منصور. Il était perse d'une ville nommée Al-Bayda. Au début, il était occupé par les Shatahat Sufi. Ce sont des paroles qui ont une double signification. Une signification louable et l'autre blâmable. Et ce Hallaj prétendait avoir la science spécifique et aussi les sciences générales. Des gens de Bardan ainsi que de Talq et de Khurasan ont été perturbés par cet homme. وكفره العلماء وحكموا وحكوا عنه أنه قال من هذب نفسه بالطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصفات حتى يصفو عن البشرية فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل فيه عيسى بن مريم ولم يرد حينئذ شيئا إلا كان كما أراد وكان جميع فعله فعل الله. طب أعوذ بالله من كلام الكفر. Les savants sont unanimes sur la mécréance de l'Hillaj. On rapporte de lui qu'il a dit « Celui qui éduque son âme avec l'obéissance et qui patiente et s'abstient des désirs et des passions va être élevé au degré des proches d'Allah. Ainsi, il ne cessera de grimper dans les degrés de purification jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lui l'aspect humain. Et à ce moment-là, l'âme divine s'établit en lui comme il s'est établi en Isa. A'oudou billah. Et à partir de ce moment, quand il veut quelque chose, il sera comme il veut. Et tous ses actes sont les actes d'Allah. L'ayadan billah. Fa. وترى هذا المعتقد الفاسد الذي هو معتقد بعض فرق النصارى دخل في بعض هذه الأمة وكفروا به فبعض فرق النصارى تعتقد أن الله طي الله اختلط وحل بالناسوت عيسى وأن عيسى له طبيعتان طبيعة إلهية لاهوتية عندما كان يتكلم بالوحي وطبيعة بشرية ناسوتية عندما صلب وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة كالنصيرية أن الله حل في علي بن أبي طالب وأنه ولي إله حيث حلت فيه الألوهية وذلك من عقائدهم الأساسية ولذا تراهم يمجدون قاتله أي قاتل علي بن ملجم ويحبونه حبا عظيما ويخطئون من يلعنه أو يذكره بسوء وهذه من المفارقات العجيبة ولكن إذا عرف السبب بطل العجب فلماذا يحبون قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بن ملجم مع أنه قتل إلههم علي رضي الله عنه وارضاه الذي يؤلهونه ويعبدونه من دون الله وهم يحبونه لأنه قتله لماذا؟ لأنهم يزعمون أن ابن ملجم خلص اللاهوت من الناسوت أي خلص الإله من جسد الإنسان بقتله وذلك الجسد هذا الذي حل فيه الله تخلص من ظلمة الجسد ومن كدر الجسد والنصيرية من الفرق الباطنية عياذا بالله وهم موجودون إلى حد الساعة بلبنان وبأردن هم طوائف كثيرة موجودة لا زالت موجودة في شمال السعودية هناك في ما يسمى بالشام إذن partant de là on comprend pourquoi les savants ont dit que la mécréance des panthéistes est beaucoup plus grave que celle des juifs et des chrétiens car les juifs et les chrétiens ont cru tout simplement qu'Allah s'est établi dans certaines de ses créatures. Mais avant tout ça, tu vois ce délire du panthéisme, c'est comme les convictions de certaines fractions chrétiennes qui croient qu'Allah, Allah autre, est établi dans le Nasout, l'être humain, Isa. Il croit que Isa avait deux natures. Une nature divine, quand il parle avec la révélation, et une nature humaine, quand il a été crucifié. Il en est de même chez certaines fractions extrémistes de Rawafid, comme Nusayriya, qui croit, comme les Nusayrid qui croient, qui sont au Liban, toute cette partie au nord de l'Arabie, vers Cham, là-bas, il y a ces fractions de Nusayrit. Nusayriya, qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala, a'oudhu billah, s'est établi dans Ali. Et que c'est lui, et que c'est Ali leur divinité. Car la divinité s'est établie en lui. Ceci fait partie de leur principe, de leur principale croyance. C'est pour ça, ils respectent et estiment beaucoup aime beaucoup son assassin Ibn Muljim. Ceci est étonnant. Aimer l'assassin de Ali, aimer l'assassin de sa divinité, alors qu'il a tué leur divinité Ali, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Car ils prétendent que Ibn Muljim a libéré la divinité de l'être humain. Ainsi, la divinité a été débarrassée des ténèbres et des impuretés du corps humain. Nusayriya fait partie du groupe ésotérique. Et ce genre de croyance se trouve aussi chez les adeptes de certaines voies soufis qui croient en la divinité, que la divinité s'établit dans leur chouyour. Louange à Allah de nous avoir guidés sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. فهذه العقيدة عقيدة الحلول فهي كذلك عند بعض المتصوفة يعتقدون أن الله يحل في شيوخهم العياذ بالله فالحمد لله على نعمة السنة وعلى نعمة التوحيد وبهذا نفهم قول أهل العلم أن كفر هؤلاء أي كفر هؤلاء الحلولية والاتحادية أشد من كفر اليهود والنصارى فاليهود والنصارى إنما اعتقدوا أن الله حل في صورة الناسوت في بعض مخلوقاته قالت النصارى عيسى هو الله أو ابن الله وقالوا إنه هو الصورة الناسوتية أما الحلولية فقالوا إن كل المخلوقات هي الخالق وجماهر المسلمين الذين يقولون إن يقولون الله في كل مكان أهل العلم لا يخرجونهم من الإسلام لأنهم لا يفهمون ما يقولون فما يحتاجون إلا إلى التذكير والتوعية والتعليم قال عز وجل آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسوف تعلمون كيف نذير فالله عز وجل في السماء ومعناه أنه فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم الذي هو فوق السماوات السبع وفوق كل شيء فهذه عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Donc partant de là, on comprend pourquoi les savants ont dit que la mécréance des panthéistes est plus grave que celle des chrétiens et des juifs. Car les juifs et les chrétiens ont cru tout simplement qu'Allah s'est établi dans certaines de ses créatures. Les chrétiens ont dit « Isa, c'est Allah » ou « Isa, c'est le fils d'Allah ». Les juifs ont dit « L'Uzair est le fils d'Allah ». Les chrétiens disent que Isa est l'aspect humain du divin. Quant aux panthéistes convaincus, ils disent « Toutes les créatures, c'est Allah. » Car il s'établit, car subhanahu wa ta'ala s'établit dans toutes les créatures. L'ayadan billah. Quant à la masse, parmi les musulmans, qui disent qu'Allah est partout, les savants ne sortent pas de l'islam, car ils ne comprennent pas le sens de leurs paroles, et ils ont besoin d'éclaircissement, d'enseignement et d'explication tout simplement. C'est pour ça, quand on discute avec quelqu'un qui dit cette parole, et on lui montre la réalité et la portée de cette parole, il s'écrie « Oudhu billah ». Ce n'est pas ce que je veux dire. Et dans la traduction du sens du verset 16 dans Sourate la Royauté, il est dit « Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuisse dans la terre et la voilà qu'il tremble ?» Et dans l'autre verset, toujours, dans Sourate al-Mulk, « Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, on voit contre vous un ouragan de pierre, vous serez ainsi, que fut mon avertissement ?» Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône qui est au-dessus des sept cieux. Et dans le Coran, quand on dit « fis sama », ça veut dire « au-dessus du sama », pas dans le sama, « au-dessus ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des sept cieux, au-dessus du trône qui est au-dessus des sept cieux. Subhanahu wa ta'ala. Et il est au-dessus de tout. Et c'est là la croyance des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Fasma' l'imam Tahawi, wasifan rabbahu azza wa jal, يقول محيط بكل شيء وفوقه، فقد أعجز عن الإحاطة خلقه. واسمع لقول الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم فوقهم. فالله عز وجل فوق كل شيء، وهو يسمع ما في الأرض السابعة ويرى ما فيها سبحانه وتعالى، وهو مع مخلوقاته بعلمه وسمعه وبصره. قال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة بحق عن هذه الآية، قال: إن الآية بدأت بالعلم وانتهت بالعلم. يفهمنا رحمة الله عليه أن المعية معية الله، معية العلم والإحاطة، لا معية الذات. قال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى مستفيض بهذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش العظيم الذي هو فوق السماوات السبع. إكوت لا بارول دو ليمام الطحاوي رحمه الله ديكريفون سون سوفران سبحانه وتعالى، il dit il est au-dessus de tout et cerne tout, ses créatures sont incapables de le cerner. Fin de citation des paroles de الطحاوي رحمه الله. Et dans la traduction approximative du verset 50 dans sourate les abeilles concernant les anges, il est dit concernant les anges: ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, ils font ce qu'il leur est ordonné. فالله سبحانه وتعالى est au-dessus de toute chose et entend ce qu'il y a dans la septième terre et voit ce qui s'y trouve. Et il est avec ses créatures, avec sa science, et c'est tous deux, il voit tous deux. Et il entend tous deux. Et il les cerne tous. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset 7, dans Sourate, la discussion: ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre eux. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il soit leur sixième, ni moins, ni plus que cela, sauf qu'il ne soit avec eux. Là où ils se trouvent, ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Le Coran est plein de sens qui signifie qu'Allah est au-dessus du trône majestueux. C'est pour cela, quand la question fut posée à l'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam de la Sunna, concernant ce verset qu'on vient de citer, il a dit: le verset a commencé avec la science et s'est terminé avec la science. Il ne fait comprendre, rahimahullah ta'ala, que l'accompagnement d'Allah dont le verset signifie, il sait tous deux, même ce que eux ne savent pas d'eux-mêmes, et ils les cernent, subhanahu wa ta'ala. وإن قال قائل: ماذا تفعلون بهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ والآية تدل على أن معناها أنه معنا في الأرض. قال المحققون من أهل العلم: الإله معناه هو المعبود بحق، فالآية تقول أن الله معبود في الأرض وكذلك هو معبود في السماء. Mais si quelqu'un nous dit: qu'est-ce que vous faites avec ce verset 84 dans Sourat l'Ornement, Zohrof, où il dit: c'est lui, Al-Ilah, dans les cieux et sur terre. Le verset signifie qu'il est avec nous sur terre. Les authentificateurs parmi les savants disent: Al-Ilah, ça veut dire l'adorer. Donc le verset signifie qu'Allah est adoré sur terre comme il est adoré dans les cieux, subhanahu wa ta'ala. وَمَعِيَّةُ اللَّهِ قِسْمَانِ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ وَمَعِيَّةٌ عَامَّةٌ المعية العامة فهو مع خلقه جميعا بعلمه يعلم كل شيء عنهم وببصره يراهم جميعا وبسمعه يسمعهم جميعا ومعيته الخاصة لأوليائه للمؤمنين أوليائه بالنصر والتأييد والحفظ والعلماء نبهوا على هذا الأمر كي نفهمه جيدا نبهونا إلى معية القمر الرجل يسير في الطريق والناس تسير في الطريق يقول أنا غادي في الطريق والقمر معايا والقمر معايا ها نسير لازلنا نسير والقمر معنا هل القمر بجنبك ها فإذا كان هذا المخلوق الصغير من مخلوقات الله عز وجل في السماء وهو معك فما بالك بخالق القمر وخالق النجوم وخالق السماوات والأراضين فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش أكبر المخلوقات والكرسي دون العرش وقد قال رب العزة في وصفا للكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف بالعرش فكيف بخالق العرش سبحانه وتعالى فالله عز وجل أكبر من كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان فمخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض جميعا فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعالي Donc, Ma'iyatullah, ce qu'on a traduit par l'accompagnement d'Allah, est de deux sortes. L'accompagnement, un accompagnement spécifique et un accompagnement général. L'accompagnement général, il sait tout de ses créatures. Il voit tout d'eux. Il entend tout, tout en étant au-dessus de tout. Ça, c'est l'accompagnement général. L'accompagnement spécifique, celui-là, il est réservé aux croyants et à ses alliés. Il les fait triompher, il les préserve, il les protège et il leur donne la réussite dans ce qu'ils font et ainsi de suite. Les savants, pour nous faire mieux comprendre l'accompagnement d'Allah, donnent comme exemple la lune. Un exemple concret et clair, la lune. Souvent, on marche et on dit, on marche et la lune est avec nous. Les Arabes disent, nous marchons dans le désert et la lune est avec nous. Est-ce que dans ces cas-là, la lune est à leur côté? Hein? Abadan. La lune est toujours au ciel. Donc, il en est ainsi de, s'il en est ainsi de cette petite créature qui est la lune, qui est dans le ciel et en même temps il est avec nous, il est en notre compagnie, alors qu'est-ce qu'il en est de son créateur, subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il en est du créateur de cet univers et de ce qu'il contient? Donc Allah est au-dessus du trône majestueux qui est au-dessus des sept cieux. Et le trône, c'est la plus grande créature. Le kursi qui est moins grand que le trône, le kursi qu'on peut traduire par le piédestal, ben ce kursi qui est moins grand que le trône, cerne les cieux et la terre. Les sept cieux et les sept terres, ils les cernent. Hein? Qu'est-ce qu'il en est alors du créateur du trône? Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et il est impossible d'imaginer la grandeur et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une de ces créatures qui est le kursi cerne les sept cieux et les sept terres. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la grandeur et la majesté absolue. et il est au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. ومن هنا نفهم أن قول أهل السنة والجماعة أن الله في السماء لا يعني كما يفهم بعض الجهلة أن الله في المخلوقات أنه داخل السماء أبدا. فهؤلاء يقولون أن الله حيزوا أن أهل السنة حيزوا الله في مكان. من الذي يحيز الله في المكان؟ الذي قال إن الله في المخلوقات أم الذي يتكلم عن ما فوق المكان وما فوق الزمان ويقول بأن الله فوق كل شيء؟ فأهل السنة يصفون ربهم بما يليق به ولا يصفونه بما تقتضيه نظرتهم القاصرة، إنما يصفونه بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، عملا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Partant de là, on comprend la parole des gens de la sunna qui disent Allah fi sama. Cela ne veut pas dire qu'Allah est dans le ciel. Abadan, cela veut dire qu'Allah est au-dessus de, hein, des cieux. Hein? Et cela ne veut pas dire, comme l'ont compris certains ignorants, qu'Allah est établi dans ses créatures. Et accuse les gens de la sunna d'acculer Allah dans un endroit. A'oudou billah. Qui accule son souverain dans un endroit? Celui qui dit qu'Allah s'est établi dans toutes les créatures ou celui qui dit qu'il est élevé au-dessus de toutes ses créatures? Les gens de la sunna décrivent leur souverain avec les attributs qui conviennent à la majesté d'Allah et lui attribuent les attributs qu'il s'est donné lui-même et que lui a donné son messager alayhi salam, sans lui faire de similaire, sans chercher le comment de ses attributs, sans leur donner des fausses interprétations, tout en croyant dans la signification correcte des attributs d'Allah dans la langue arabe. Et tout cela conformément à la règle dans le verset qui dit « Rien ne lui ressemble et il est le Dieu et le clairvoyant. » Fa al-muftarad fina وفي المسلمين جميعا ألا نصوم إلا بعد تحقيق عقيدتنا بالله. وقد يقول قائل لماذا تطيل الكلام في المعتقد ونحن فيه تذكير بأمور الصيام؟ فاسمع لآيات الصيام بعد قوله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. قال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية ما وضعها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموضع إلا لحكمة بالغة، فلله عز وجل الحكم البالغة والعلم الكامل سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إن آيات الصيام انتهت، فاسمع لقول رب العزة عز وجل بعد قوله لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Donc avant que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala jeûne et avant n'importe quel acte d'adoration, nous devons authentifier et corriger notre aqida. Nous devons, pour que nos adorations soient basées sur une aqida authentique et sur une croyance valide. Peut-être que quelqu'un se pose la question, pourquoi toutes ces paroles concernant les croyances alors que tu es en train de faire des rappels concernant le jeûne, ses sagesses et ses buts? Écoutez ce qu'il y a au milieu du verset des jeûnes. Après le verset, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants, il arrive le verset tout de suite après. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'implore et qui me demande qu'elle réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc ce verset qui nous parle de la aqida, qui nous parle du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, dans cette place entre les versets du jeûne, renferme beaucoup de sagesse et beaucoup de buts. Car le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la meilleure des paroles. Et l'ordre et le classement des versets est le meilleur ordre et le meilleur classement. Et tout ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait à la perfection absolue. Et pour des sagesses et des buts bien ciblés. Peut-être que quelqu'un dira aussi, mais les versets du jeûne sont terminés. Écoute, après le verset pour qu'il soit bien guidé, on vous a permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Donc les versets du... des jeûnes n'ont pas été terminés. Au milieu d'eux, il y a ce verset qui nous rappelle que le culte doit être réservé exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, les hommes de science nous rappellent que la cause de l'emplacement de ce verset au milieu des versets du jeûne, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, c'est pour nous rappeler que notre jeûne doit être accompli parfois en Allah. Partant de là, il nous appartient clairement. Il nous apparaît clairement qu'il est obligatoire de croire en Allah, en ses noms, en ses attributs, et qu'il est obligatoire de connaître Allah comme il sait à sa grandeur et à sa majesté. Les gens de la Sunna croient qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône majestueux, qui est au-dessus des sept cieux. Et avec cette élévation absolue, il est avec ses créatures, de par sa science, il les voit, il les entend, il cerne toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et il est, subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit l'un de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, proche, alors qu'il est élevé au-dessus de tout. Et avec son élévation, il est proche de nous tout en étant au-dessus de tout. Car le verset nous dit, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche et j'exauce le dua de celui qui me demande. C'est pour cela, le messager d'Allah, lors d'un voyage, a entendu les nobles compagnons, ridwanullah alayhim, élever la voix par l'évocation et l'imploration d'Allah. Il leur a dit, aménagez-vous, vous n'êtes pas en train d'implorer un absent, ni un sourd, vous êtes en train d'implorer un audient proche, subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ahlu al-ilm, إن سبب هذه الآية وإذا سألك عبادي عني في وسط أي آية الصيام أنها تذكير لك يا عبد الله إذا صمت أن تصوم إيمانا بالله وأن تصوم لله عز وجل ومن هنا يتبين لنا أنه لا بد لنا من الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأن نعرف ربنا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وأهل السنة يؤمنون بأن ربهم فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم وهو مع ذلك مع خلقه بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته بكل شيء فهو عز وجل كما قال بعض السلف قريب في علوه علي في دنوه فهو مع علوه معنا أقرب من أنفسنا جل في علاه قال سبحانه وتعالى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ولذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم في صفرة من الأصفار يرفعون أصواتهم بالدعاء وبذكر الله عز وجل قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا فالله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو فوق العرش العظيم جل في علاه أنت يكون في بيتك نمل تسمع حسه ما تسمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع من فوق العرش العظيم من فوق السبع السماوات الصوت الذي تصدره النمل سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليهم أجمعين فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه زوجها، وأنا في جانب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بيت الرسول، بيت أزواج الرسول ما كان واسع كثير، ومع ذلك أتت المرأة تشتكي زوجها وعائشة في جنب البيت ولم تسمع كثيرا من كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع من فوق العرش العظيم، فوق السبع السماوات، فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى entend les stridulations des fourmis sur un rocher dans la sombre nuit, alors qu'il est au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des sept cieux. Hein? Chez toi, à la maison, tu as des fourmis, mais tu n'entends pas leur bruit. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, au-dessus du sept cieux, au-dessus du trône qui est au-dessus des sept cieux, il entend le bruit qui mettent les fourmis. Hein? Et dans le premier verset, dans surat la discussion, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait, qui est venue se plaindre et qui discutait avec toi à propos de son mari, se plaignait à Allah de son mari, et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. La véridique, la fille du véridique, Aïcha radiallahu anha wa ardaha, dont le hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, a dit: louange à Allah dont lui cerne et entend toutes les voix. La femme est venue se plaindre de son mari au messager d'Allah alors que j'étais dans un coin de la pièce et je n'ai pas entendu certaines de ses paroles. Allah a révélé le verset. Allah a entendu les paroles de celle qui est venue se plaindre de son mari. فالله سبحانه وتعالى فوق السبع السماوات فوق العرش العظيم. Il entend tout et il capte tout. Et ça, c'est la majesté absolue et la grandeur absolue d'Allah سبحانه وتعالى. وإليكم هذا الحوار الذي جرى بين أسد السنة الإمام الألباني رحمة الله عليه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإمامها في هذا الزمان، وبين بعض المتصدرين للدعوة وجه إليهمها هذا الكلام، يقول لهم: أنتم تزعمون أنكم تدعون الناس إلى الله، فأنا أسألكم أنتم أين الله؟ فلم يجيب أحدهم جوابا صحيحا، فقال رحمة الله عليه: إذا كنتم لا تعتقدون في الله مثل العقيدة التي عرفتها جارية أمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرجى منكم أن تكونوا دعاة بين المسلمين؟ أنتم أحوج إلى أن تعتقدوا أولا اعتقادا صحيحا في الله. ها؟ تأمل هذا الكلام مع بعض جماعة التبليغ، جلسوا إليه فسألهم هذا أين الله، فلم يستطيع الإجابة، ويدعون أنهم يدعون إلى الله. إلى ما تدعو أنت؟ ها؟ ما تعرف صفات الله عز وجل وتدعو؟ هذا أمر خطير. Et voici un débat qui a eu lieu entre l'imam de la Sunna et le lion de la Sunna, Cheikh Nasser Abdel Albani rahmatullah alayhi, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la. Ce débat qui a eu lieu entre lui et certains qui se sont donnés la place de prêcheurs alors qu'ils ne sont pas aptes. Parmi ceux qui font le tourisme sur terre, ها جماعة تبليغ. Il leur a dit, vous prétendez que vous appelez les gens vers Allah. Alors je vous pose une question. Oui, Allah. Personne n'a donné une réponse correcte. Il leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa sainte miséricorde. Si vous, vous n'avez pas une aqida sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'avait la petite servante bergère à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comment vous pouvez, hein, comment espérer que vous allez être, vous allez prêcher les musulmans? Vous avez besoin d'avoir une aqida authentique en Allah subhanahu wa ta'ala et d'authentifier votre aqida en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? من هذا الكلام يتبين لك عظم فقه الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته لكتابه لكتاب العلم في الجامع الصحيح، حيث قال العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Partons de là, de cette histoire, de ce débat du Cheikh Nasser Al Albani, rahmatullah alayh. On comprend la grandeur et la minutie de la compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a doté l'imam Bukhari rahmatullah alayh, puisque dans son authentique, dans le recueil authentique qu'il a, il a plein de livres, et parmi les livres il y a le livre de la science. En ouvrant le livre de la science, il l'ouvre avec le chapitre, hein, chapitre la science avant la parole et les actes, et la parole d'Allah qui dit, et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repens-toi de tes péchés. Et il a commencé avec la science, avant la parole et avant les actes. فَالْجَارِيَةُ الْأُمِّيَّةِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ بِقَوْلِهِ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهِ؟ قالت في السماء. ثم قال لسيدها معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. فتأمل جواب الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. Donc la jeune servante illettrée que le prophète a interrogée, comme cela est rapporté chez l'imam Muslim, en lui disant, qui suis-je? La jeune servante lui dit, tu es le messager d'Allah. Et il lui a dit, alayhi salatu wassalam, oui Allah. Et il a dit, radiyallahu anha wa arda, au ciel, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Et puis le messager d'Allah s'est adressé à son maître. Il lui a dit, libère-la. Hein, Muawiyah ibn al-Hakam Sulami, il lui a dit, libère-la, c'est une croyante. Médite la réponse de la petite servante et la parole du messager alayhi salatu wassalam au-dessus du ciel. Hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une croyante, libère-la. Fayyaka akha al-Islam an takuna min ha'ula'il ghawgha الذين يقولون لا تسأل عن هذا السؤال أين الله ولا يهمني أين الله وهذا الذي قال هذا الكلام من رؤوس الشبيبة الإسلامية في هذا البلد أو تكون ممن قال من منظري هؤلاء الشبيبة الإسلامية في اجتماعهم السنوي بالبرج هناك دراسة الأسماء والصفات أمر ثانوي فانظر إثبات صفة العلو لرب العزة من الجارية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعتاقها هذا يقول لآلاف من اجتمعوا أمامه دراسة الأسماء والصفات ثانوية، أمر ثانوي، والآخر يقول لا يهمني، أعوذ بالله، العياذ بالله. فهكذا يفعل الضلال بأهله. Attention frère, on Allah Azza wa Jal. Ne sois pas comme ces insensés qui disent « Ne pose pas cette question où il est Allah. Ça ne m'intéresse pas où il est. » L'ayadhan billah. Et celui qui a dit cette parole, c'est une grande figure de la jeunesse musulmane de France. Attention, akhal islam, ne sois pas non plus comme ce théoricien de cette tendance et cette grande figure de cette tendance, de cette secte qui a fait faillite dans la politique et ben dans les innovations, qui a dit lors de leur rassemblement du Bourget, l'étude des noms et des attributs d'Allah est secondaire. A'oudou billah. Il médite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il médite la confirmation de l'élévation d'Allah par cette jeune servante. Et cette reconnaissance de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prévalu d'être libérée. Le messager d'Allah a ordonné à son maître de la libérer. Et cet ignare dit à 10 millions, à 10 milliers de musulmans devant lui, l'étude des noms et des attributs d'Allah est secondaire. Wallahu al-musta'an. فإياك ثم إياك أخي الإسلام أن تقول كذلك قولة الجاهلين الله في كل مكان أو الله في قلب المؤمن. فهل من الناس من يقول هذه؟ نعم، أنا جرى معي أمر، كنا في مصلى في السكن الجامعي وسألت وفينا ها ذلك الوقت كان حولي من عنده باك وخمس سنوات دراسة من وراء الباك، فيهم من أتى من المغرب، فيهم من سوريا، فيهم من هذا، فأريد أن أعرف من معي. فهكذا قبل أن أبدأ الدرس قلت سأبدأ بسؤال، أريد أن أسألكم أين الله. فقلت للشباب الذين كانوا يدرسون معي دائما، ثم أنتم سكت، أريد أن أسمع من إخواننا الطلاب هؤلاء، سمعت كل شيء إلا الجواب الصحيح، في كل مكان الله موجود، في كل شيء إلا الجواب الصحيح. فلا تظن أن هذا الأمر ها يمر هكذا أبدا أخي الإسلام. يا attention يا attention frère, الله سبحانه وتعالى إياك وإياك ثم إياك أن تقول قولة الجاهلين الله في كل مآن في كل مكان أو الله في قلب المؤمن. فهذه قولة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا نبي من أنبياء الله ولا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تبعهم بإحسان ليوم الدين. فإياك أن تعتقد أو تقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. Donc il faut faire très attention frère en Allah Azza wa Jal, n'imite pas des paroles, les paroles des ignorants. Allah est partout, Allah est dans le cœur des croyants. Et ne crois pas qu'il n'y a pas des gens qui disent cela. Je vais t'étonner à l'islam. Hein? Même dans le milieu intellectuel, il y a presque 20 ans maintenant, dans une assise dans la Moussallah du campus universitaire au nord de la France, où nous avions des cours, j'ai dit aux jeunes qui assistaient tout le temps au cours, vous, vous parlez pas, laissez-moi voir avec le frère qui vient du Maghreb, de Syrie, etc. Et ce sont des frères qui viennent avec un bac plus 5 pour encore avancer dans les études. Et j'ai posé la question, où il est Allah? J'aurais dû pas la poser. Parce que j'ai entendu tout, sauf la signification là, de où il est Allah. Si j'arrive devant Allah avec tous ces diplômes et je ne sais pas où il est Allah, comment je vais être devant Allah? Avec quoi je vais arriver? L'ayadan billah. Attention, akhal islam, ne dis pas, ne prononce pas les paroles des ignorants. Allah est partout, Allah est dans le cœur des croyants. Cette parole, ni le messager, ni aucun messager, aucun prophète ne l'a dite. Les compagnons ne l'ont pas dite. Nos pieux prédécesseurs qui ont suivi le messager, ses nobles compagnons ne l'ont pas dite. Hein? Fais très attention à l'islam. Et ne crois, ta croyance doit être la croyance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de ses nobles compagnons, ridwanullahi alayhim. Fassawmu la yakunu illa imanu wa ihtisaban. Wa yakunu an aqidatin sahiha. Le jeûne doit se faire que pour Allah. Il doit être basé sur une aqida authentique. Grâce à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifatil ula, nij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.